moi je n'entends pas du tout que je partage ce pouvoir avec qui que ce soit ou qu'il y ait le moindre domaine réservé à qui que ce soit. Mon gouvernement va tout simplement ignorer l'existence de M. Mobutu là où il est pour n'être responsable que directement devant la nation. C'est mon gouvernement seul qui va gérer toute la vie de la nation. Il n'y a pas question que Mobutu ait une seule parcelle de pouvoir. Et 3 ans plus tard, c'est un autre Premier ministre, Joseph Kengo Wadondo, qui en visite à Paris, décrit la situation dans son pays et évoque la situation au Rwanda.